Bonjour. Le jour des élections, puis le lendemain, j'ai pas fait de vidéo. Premièrement, parce que bon, c'était pas une surprise. Et n'ayant pas d'attente, j'étais pas déçu non plus. Donc, je trouvais pas que bon, j'avais pas grand-chose à dire. Mais il reste que il va falloir prendre un pas de recul, puis le regarder. Le regarder ce qui se passe au fond, de la façon dont l'énergie des gens est détournée pour rien. Dans le sens, bon, regardez, avant, il y a quelques temps, à un moment donné, quand c'était payant pour lui de dire ça politiquement, M. Legault était pour une réforme du mode de scrutin. Puis, par après, bon, il dit qu'il s'est engagé à pas changer le mode de scrutin, c'est certain. L'affaire, c'est de comprendre que possiblement, au moment où François Legault, a dit que le mode de scrutin, il voulait le réformer, c'était simplement que c'était payant pour lui politiquement de dire ça d'une certaine façon, en tant que communication, parce que aujourd'hui, la politique, c'est des techniques de marketing, que dans le fond, il n'y en a jamais eu l'intention, tout simplement parce que François Legault, et c'est pas lui qui gouverne dans le fond, c'est un exécutant. Donc, si on le regarde comme ça, on se rend compte que finalement, c'est juste un théâtre. Au niveau de la politique, de la démocratie, entre guillemets, ce qui arrive, c'est que les décisions sont prises en haut lieu, au-delà des partis. Et ensuite, le rôle de la politique, c'est de conditionner la population à aller dans une direction et que la population pense que c'est elle qui a fait ce choix-là. Donc, c'est pour ça que c'est des techniques de marketing. Aujourd'hui, le côté corporatif, les lobbyistes, les services de renseignement, tout ça, le fait qu'il n'y a pas de quatrième pouvoir, les journalistes couchent dans le même lit que les politiciens, vice-versa, que finalement, au fond, c'est juste du théâtre. C'est juste du théâtre. Donc, si on regarde ça, vous vous souvenez, quand Macron avait été élu, j'avais expliqué que le Front National en France sert à polariser. Tout simplement, ça sert juste à polariser. Et qu'au fond, Marine Le Pen avait fait élire M. Macron. Ben, on a le même phénomène au Québec, dans le fond. Si on regarde comme il faut, on se rend compte que les conservateurs d'Éric Duhaime et Gabriel Nadeau-Dubois ont servi à polariser. Et au fond, ils font partie d'un contexte qui a permis de faire réélire François Legault. Et si François Legault rentre majoritaire, s'il est plus solide qu'avant, c'est grâce à la crédibilité engendrée par le contexte. Donc, Éric Duhaime, Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois et compagnie ont servi à faire élire François Legault. Qu'ils en soient conscients, que ce soit de la collaboration carrément, ou qu'ils en soient inconscients, ça revient au même, c'est le résultat qui est important. Prenez Jonathan Blanchette qui est allé se présenter dans une région qui c'était clairement caquiste, c'était clair que ça allait être les caquistes qui rentraient sous la bannière de l'Union nationale pour dire ensuite aux jeunes d'être stratégiques puis de voter PQ. Il est venu perdre son temps, puis c'était l'évidence même que c'est ça qui allait arriver. Donc, prenez par exemple, si vous regardez les journalistes puis les politiciens, les journalistes sont censés représenter un quatrième pouvoir. Il y a eu le scandale, comme les journalistes confrontent pas Legault sur ses contradictions, il y a eu un scandale McKinsey, pas aussi gros qu'en France, parce que les Québécois sont pas, bon, c'est pas la même psychologie, donc ils s'en rendent moins compte. Mais juste ça, ils devraient démissionner immédiatement. D'un point de vue géostratégique, les intérêts des Américains, s'il y a un conflit d'intérêts avec nous. Donc, on se rend compte que l'INSPQ, que même les protocoles de santé publique du Québec n'étaient pas suivis pendant la pandémie. Nous, on le savait déjà depuis quelque temps que c'était par certaines firmes de consultants privés internationaux rattachés aux États-Unis et à la CIA, McKinsey, dans le fond, qui prenaient les décisions. Mais les journalistes n'ont pas réellement confronté Legault avec ça, pas du tout. Parce qu'au fond, ben, il faut comprendre qu'au-delà du politique, il y a des jeux d'intérêt, des jeux d'influence, du trafic d'influence, que c'est du patronage puis du clientélisme. Comme au 17e au 16e siècle, dans le fond, c'est une forme de féodalité, puis c'est des gens en haut lieu qui décident. Puis ensuite, au niveau d'un théâtre politique, on s'arrange pour contextualiser ça, pour mettre ça en place, puis rendre ça crédible. Donc, si on regarde par exemple au Québec, vous avez le PQ, ce qui a été fondé par un journaliste. Ben, regardez, vous aviez le RIN de Pierre Bourgault, ça avait fait un petit peu de crainte à Ottawa. Donc, par après, il y a eu le PQ, fondé par un journaliste, le cousin du père de ma mère, René Lévesque. Puis, par après, il y a l'affaire Morin, c'est-à-dire qu'on apprend que le PQ est infiltré par Ottawa, par la GRC, puis Lévesque réagit pas trop. Par après, le PQ, bon, le PQ, il servait à quoi? Dans le fond, il sert à polariser. Et c'est à ça qu'il servait. Parce qu'au Québec, la sensibilité nationaliste faisait que c'était une polarisation entre indépendantistes puis fédéralistes. Mais si vous regardez, à un moment donné, quand une de ces structures-là ne sort plus, il y a un agent qui va venir la mettre à terre. Parce que là, on a préparé une nouvelle structure plus adaptée. Donc, à un moment donné, il y a un ancien conseiller politique de Jacques Parizeau puis de Lucien Bouchard qui devient chef du PLQ, c'est Jean-François Lisée. Jean-François Lisée a mis le PQ à terre. Puis je pèse mes mots. Parce qu'au niveau de quelque chose de large puis de vaste, comme un projet indépendantiste, le PQ n'avait pas le choix d'être une coalition gauche-droite. Puis Jean-François Lisée a quelque part gauchisé le parti puis congédié l'aile droite du parti, ce qui a mis le parti complètement à terre. Étrangement, pas longtemps après, là, la CAQ qui apparaît, qui est une sorte de chimère ni gauche, ni droite, ni nationaliste, ni fédéraliste, qu'on ne sait pas trop. Puis étrangement, bon, on va voir que le PQ va être mis à terre, puis par après, là, la CAQ arrive. Ça ressemble un petit peu à ce qui est arrivé en France. Vous avez l'UMP puis le Parti socialiste qui sont à terre. Puis tout d'un coup apparaît une nouvelle chimère, une nouvelle patente qui est en marche, qui à la fois gauche-droite, et puis en plus avec un ancien du Parti socialiste. De la même façon que la CAQ, les chefs viennent à la fois des libéraux puis du Parti québécois. Donc c'est étrange. Puis là, on peut voir les mêmes modes de gouvernance un peu. Donc, on voit qu'au-delà de la politique, il y a une métapolitique qui est appliquée. Comme par exemple, si on regarde comme il faut le contexte québécois, la polarisation ne peut pas se faire sur une crainte de l'extrême droite comme en France. Donc, ça, on va jouer sur des enjeux nationalistes, mais d'une autre façon. Tandis qu'en France, la polarisation, vous vous souvenez quand Macron s'est fait élire, j'expliquais, ben dans le fond, Marine Le Pen a servi à le faire élire. Mais là, le Front National, à un moment donné, perdait des plumes, il y avait de moins en moins d'adhérents, donc il était moins utile pour la polarisation, pour créer un contexte de polarité, puis appliquer une triangulation. Donc, étant donné que les gens qui s'intéressaient le moins à la politique en France, souvent c'était les gens originaires du Maghreb et d'Afrique, il y a eu une espèce d'opération pour renforcer le Front National avec ces gens-là. C'est là qu'on a un avocat du Grand Orient de France, Philippe Pénin, qui va financer une structure en lien avec le Front National, mais c'est tout caché. Il n'y a personne qui en parle à ce niveau-là. François Hollande avait été questionné dans le temps, on lui avait demandé appartenez-vous au Grand Orient de France, puis il avait carrément répondu ben, pour faire de la politique, il faut être là-dedans. Donc, au niveau d'une vraie gouvernance, de la vraie collusion, les gens qui gouvernent réellement vont aussi créer des dissidences sur lesquelles ils ont le contrôle. C'est comme ça que fonctionne le réel pouvoir. Donc, par rapport à tout ça, dernièrement, j'ai écouté un petit vidéo de André Moreau, puis dedans, il parlait de, bon, son parcours dans la franc-maçonnerie, puis il disait, c'est pas du tout ce que les gens pensent. La franc-maçonnerie, c'est juste des individus qui veulent se développer d'une façon très particulière. Ben d'abord, qu'on m'explique pourquoi c'est tellement lié à la politique, les scandales de la loge P2 en Italie, les scandales des fiches en France. Pourquoi c'est tellement lié à la politique? Pourquoi il y a tout le temps un discours de civilisation, si on peut dire, lié à comme une éducation de la masse, qui serait rien d'autre qu'une pierre non taillée, ça marche pas là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne réellement pas. Comment ça se fait quand il y a des commissions d'enquête au Québec par rapport à la collusion, par rapport à du trafic d'influence, il n'est jamais question des loges. Pourtant, quand on regarde au-delà des partis, on se rend compte qu'ils sont tous amis. C'est au niveau de ces structures-là. Qu'on ne me fasse pas croire qu'il n'y a pas de collusion ni de trafic d'influence dans ces structures-là, puis que ces structures-là ne servent pas non plus au niveau de stratégie de marketing pour vendre des projets politiques, parce que ça ne fonctionne pas non plus. Parce que là-dessus, je suis aussi informé. Il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé, je dirais pas de quelle loge ça vient, là, mais qui m'avait envoyé un espèce de communiqué d'une loge qui parlait que on va mettre de l'avant le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Puis comme de fait, ça a été juste ça pendant 10 ans. Le vivre ensemble, le vivre ensemble. Puis là, je parle peu, tout pays confondu, là. Autant au Québec qu'en France. Ben, en France, c'est le Grand Orient qui mène. Il y a d'autres loges, là, comme Memphis Mishraïm, mais ça, c'est fondé par Cagliostro. Ils s'occupent plus, eux autres, des affaires ésotériques. Il y a les frères Trois Points, qu'eux autres sont surtout liés à la noblesse de robe, là, aux notables. Le système judiciaire, ces choses-là. Mais le Grand Orient de France, ça, c'est vraiment le politique. De la même façon que le scandale des loges P2 en Italie, c'était lié au Grand Orient d'Italie. Donc, c'est ça, là, le réel problème. C'est pour ça que je vous dis, au niveau d'une dissidence, souvent, que les gens qui sont à la tête de ça, en soient conscients ou pas, souvent, ils vont avoir un contrôle des mêmes gens qui contrôlent le politique. Carrément. Donc, c'est pas surprenant que ER en France, ben, ça soit du monde du Grand Orient qui a commencé la structure, qui a commencé à financer la structure. Après, les gens qui sont dedans, ben là, eux, faut qu'ils se payent avec la structure. Donc, c'est pour ça faire du buzz, pour faire du biz. Ça devient un comme. Dans le fond, on leur accorde le droit de faire de l'argent avec le travail qu'on leur donne, la position qu'on leur donne. Quand je regarde ce qui se passe au Québec, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Prenez Éric Duhaime. Éric Duhaime, il respecte même pas son bassin électoral. On dirait qu'il était même. Il agit d'une façon un petit peu. D'aller en conférence de presse rire de certaines théories par rapport au traçage numérique ou par rapport à Bill Gates, c'est pas respecter sa base électorale, ça. Que son attaché presse ait refusé que ses candidats donnent des entrevues au studio, là, à Pitre, c'est pas respecter sa base électorale, ça, c'est se tirer dans le pied. Donc, les gens qui ont de mauvaises opinions de certains milieux, de toute façon, ils iront pas voir. Ça aurait servi pareil. Donc, jusqu'à un certain point, on dirait qu'il a tout fait pour que ça marche pas. Et d'ailleurs, il n'a pas rentré dans son propre comté. Puis là, on accuse le mode de scrutin. Ben oui, mais il savait d'avance. Il savait d'avance comment était le mode de scrutin, puis que possiblement, ben, ça, si ça forcerait, il y aurait un député, deux députés. Donc, jusqu'à un certain point, là, à un moment donné, là, prenez Jean-François Lisée qui a sacré le PQ à terre. C'était vraiment du suicide aussi, de congédier l'aile droite. C'est quoi la récompense de M. Lisée? Ben, il est dans des panels d'invités pour aller être analyste politique à la télévision. Puis il parle avec derrière lui des portraits du général de Gaulle, de Martin Luther King, puis de René Lévesque. Là, si c'est ça la récompense, est-ce que ça en valait la peine? On a affaire à des gens qui sont choisis selon leur profil psychologique. C'est pour ça qu'au niveau des dissidences dans le monde, il n'y a pas un gouvernant, il n'y a pas un dirigeant, il n'y a pas un chef qui a de l'allure. Ça a toute l'air d'une gang de clowns, tout le temps. C'est vraiment des clowns, là. Donc, on va choisir des personnalités pathologiques qu'on peut facilement contrôler. Comme prenez ER en France, ben, à un moment donné, je me doutais qu'un jour, il y en a qui allumeraient. Puis d'un premier qui ont commencé à allumer, il y a Jacob Cohen, l'auteur Jacob Cohen. Il y a eu le docteur Laibi, mais lui, il a eu une prise de bec parce qu'on voulait servir de sa signature sans le consulter. Puis là, il a vu les aspects qui avait des petits côtés pas honnêtes. Puis après, bon, il y a Marion Sigaud. Il faut comprendre que dans un monde qui fonctionne comme ça, le patronage, le clientélisme, ça fait que il y a les amis des amis, puis il y a des intérêts, puis il y a toutes sortes de choses, puis il y a des rapports d'influence. Donc, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que Sorel s'est mis à défendre Gabriel Masnieff. Il s'est mis à défendre Gabriel Masnieff, puis il le faisait d'une façon très malhabile, carrément en disant des choses fausses. C'est là que Marion Sigaud elle a allumé et est partie. Mais il reste que. Regardez, là, au niveau de la formation politique, au niveau du profilage psychologique, ça, c'est bien plus important que la formation politique de quelqu'un. Parce que, comme ça, vous pouvez choisir un individu puis prévoir exactement la façon dont il va agir. Puis, une fois que vous voulez vous en débarrasser parce qu'il a fait son travail ou qu'il vous sert plus, il y a tout le temps des casseroles, une façon de s'en débarrasser. Donc, si on regarde ici au Québec la personnalité des gens qui sont dans la dissidence, Madame Goyer qui est dans l'Équiterre avec Steven Guilbeault, moi je trouve ça louche. Madame Paul qui a un petit côté à être vue, puis bon. Il y a Dan Pilon qui boit du whisky en fumant des cohibas, là. J'en ai connu du monde en finance qui faisait ça aussi, là. Je reconnais un certain type psychologique. J'aime pas bien ben ça. Monsieur Duhaime, qui s'en va, qui dans le fond, qui avoue lui-même à la radio dans le temps qu'il était animateur, qui a été élevé par des hippies, puis qui prenait sa douche avec ses parents, ça fit pas bien, là, pour être à la tête du Parti conservateur, là. Donc ça marche pas. Ça a tout l'air des clowns. Puis si on regarde là. En France, juste Soral, là, qui explique dans Misère du désir que lui, c'est la drague de rue, puis qu'il a fait sa formation politique sur des que sais-je, les petits livres que sais-je, que c'est de très mauvaises formations. D'ailleurs, c'est plein de conneries, ces petits livres-là. Là, on n'est pas loin de Jules Michelet puis Ernest Lavisse, là, dans le sens que c'est des petits livres qui ont été faits pour formater le grand public. C'est pas des ouvrages vraiment sérieux pour se former. J'ai lu deux que sais-je, il y en avait un sur le système politique canadien, puis ça parle jamais dans ce livre-là du système politique canadien au niveau technique. Ça parle du contexte sociopolitique du Canada, ça parle pas du système politique canadien au niveau de son fonctionnement par rapport au parlementarisme britannique, puis à la démocratie représentative, mais pas du tout. J'avais lu aussi un que sais-je qui parlait de la franc-maçonnerie. Il parlait de rien d'intéressant, il parlait juste les tenues en loge, la symbolique, des choses comme ça. Jamais qu'il parlait au niveau de l'histoire, les liens avec le politique. Donc, les caissages, c'est de la marde, là, pour se former politiquement. Après, bon, on va dire qu'il est un national-socialiste, ça, c'est un côté provocateur. C'est déjà là, c'est mauvais signe, un petit peu. Mais en plus, il va se dire national-socialiste, mais avec la sémantique, la dialectique marxiste. Déjà là, c'est bizarre, là. Au moins, il a compris que les nationaux-socialistes, c'est un mouvement de gauche, dans le fond, mais c'est pas normal que ça ait la même sémantique que des marxistes, là. C'est pas pareil tout à fait. Mais il reste que, bon, après parler d'avoir mis la drague de rue comme idéologie formatrice, vous savez, ce qui fait un bon chef, c'est ce qu'on appelle le virtus. Le virtus. C'est quelque chose qui a été transcrit de nos jours en vertu puis virilité. Mais il reste que c'est pas clair, là, je veux dire, dans le sens, le virtus, avoir de la vertu, avoir de la droiture, c'est ça qui va faire un bon chef, dans le fond. Fait que quelqu'un qui a du virtus, il va pas draguer des femmes enceintes dans des parcs. Quelqu'un qui a du virtus va pas avoir des relations sexuelles avec un petit chien puis mettre ça dans ses livres. Quelqu'un qui a du virtus va pas devenir héroïnomane pour ensuite, à 3-4 heures du matin, être sur le subutex puis insulter des gens. Quelqu'un qui a du virtus va pas avoir ses photos qui circulent tout nu sur Internet parce qu'ils envoyaient à des petites filles de 20 années. Il y a un problème comportemental. Moi, je considère qu'on a affaire à quelqu'un de pathologique, un peu. Puis, d'ailleurs, le docteur Laibie. Il n'était pas content, il avait écrit un livre sur Sorel, le mythomane. Je pense qu'il y a au-dessus de 220 notes de bas de page, puis c'est très référencé. Il n'a pas pu poursuivre Sorel, parce que c'est tout vrai. Je veux dire, c'est en servant de ses propres propos que le livre a été écrit. Puis, oui, Sorel aurait voulu entrer chez les francs-maçons quand il était plus jeune. Si on regarde le profil psychologique, son père est un notable, un notaire. Il a un haut niveau de vie en Suisse. Ensuite, son père a des problèmes avec la justice. Le niveau de vie baisse. Sa sœur a une réussite, une certaine réussite artistique, une certaine reconnaissance. Bon, là, on voit, lui, Sorel, au fond, il va être attiré par les milieux de la mode ou du jet set parisien. Puis, au fond, toujours aussi avec une certaine vulgarité, là. Même, j'ai presque envie de dire, une certaine grossièreté. Bon, ben là, on a le profil psychologique, qui est le même, un profil psychologique de base semblable à un paquet d'autres mondes, qui sont des chefs qui ont été choisis pour être chefs de dissidence, entre guillemets. Donc, le besoin d'être reconnu puis d'être vu. C'est extrêmement dangereux. C'est exactement le type de profil psychologique qui est parfait. Si vous êtes un gouvernant de l'ombre et que vous voulez créer une dissidence que vous contrôlez, vous allez mettre quelqu'un de ce type-là. Mais si votre réel intérêt, c'est la dissidence, vous ne pouvez pas prendre un chiffre comme ça. Parce que être vu et reconnu, ça, c'est puéril. Ça vient de l'enfance. Ça vient de troubles au niveau développemental dans l'enfance. Ça va engendrer des personnalités qui ont des comportements problématique. C'est pour ça toutes les casseroles puis toutes les affaires qui s'en suivent. La vraie formation politique, à mes yeux, ce sera pas des que sais-je, là, pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Les choses à étudier, c'est Machiavel, la politique de Louis XI, la politique de Sully, ministre du roi Henri, la politique de Cecil, William Cecil, la sociologie au sens d'une étude comportementale collective comme Gustave Le Bon, la psychologie des foules, des études comportementalistes sur les comportements de certains types de criminels. Vraiment comprendre la nature humaine. Puis là, après, on peut comprendre pourquoi la politique fonctionne comme elle fonctionne. Que c'est juste du clientélisme, que c'est juste du patronage, que c'est juste du trafic d'influence, puis c'est juste de la manipulation au fond. Puis que le peuple, sans s'en rendre compte, est de plus en plus gouverné dans l'ombre, sans le savoir, par des gens liés à des corporations, à des services de renseignement, entre autres. Puis, c'est pas pour rien que la politique est devenue du marketing, dans le fond. C'est vraiment du marketing. Puis aussi, on se rend compte, les politiciens puis les journalistes couchent dans le même lit. Il n'y a pas de quatrième pouvoir, au sens où il n'y a pas de scission entre le journalisme puis le politique. C'est pour ça, Jean-François Lisée, c'est un journaliste. René Lévesque, c'est un journaliste. On voit de plus en plus des gens qui quittent le journalisme pour aller en politique ou qui repartent de la politique pour aller dans le journalisme. On ne peut pas avoir une couverture réellement objective, c'est impossible. C'est comme, prenez juste notre système, comment il est fait. Un député, il devrait y avoir une séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que un député ne devrait jamais être ministre. Le rôle du député, c'est de représenter les citoyens de sa circonscription devant le gouvernement. Or, si votre député est dans le gouvernement, il y a un conflit d'intérêts. Je ne sais pas si vous voyez, là. C'est comme moi, ma députée, j'y avais écrit carrément pour lui dire, vous n'êtes pas censé représenter le gouvernement auprès des électeurs de votre circonscription, vous êtes censé représenter les électeurs de votre circonscription auprès du gouvernement. C'est pas normal d'être obligé d'expliquer des principes de base comme ça à des députés. Puis c'est pas normal non plus que déjà dans les députés qui sont entrés dans leur circonscription, que le cabinet des ministres va être forgé à partir de ça. Il y a un conflit d'intérêts. Ça obéit pas à la séparation des pouvoirs. Donc, c'est pas une vraie démocratie. C'est pas une vraie démocratie. Il y a trop de lobbyistes, il y a trop d'intérêts, il y a trop. Prenez le scandale McKinsey. Le scandale McKinsey, au Québec, c'est le même qu'en France, dans le fond, mais ça n'a pas le même impact. Pourquoi? Parce que la population québécoise n'est pas assez politisée, si on peut dire. Elle n'est pas assez instruite pour se rendre compte de ce que ça veut dire. Au niveau géostratégique, les Américains ne sont pas nos alliés. Ça devrait être vu comme des compétiteurs et même, j'irais jusqu'à dire, des ennemis. Donc, d'avoir une corporation transnationale, internationale, liée à la CIA, qui gouverne au Québec pour la gestion d'une pandémie, puis qui est liée à Davos, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Moi, j'appelle ça de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Prenez Justin Trudeau. Au Canada, maintenant, nous allons avoir des postes de police chinois. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le Canada où les autorités du régime chinois vont avoir des bureaux et ils vont comme ça pouvoir traquer puis continuer à faire l'appui et le beau temps par rapport à leurs ressortissants dans le Canada. Ça, c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Puis comment est-ce que c'était puni la haute trahison dans le temps? C'est bien dommage, mais si on était réellement dans une démocratie nationale qui se respecte, Justin Trudeau ne peut pas être premier ministre, François Legault ne peut pas être premier ministre. Même ses adversaires politiques ne peuvent pas non plus être premier ministre. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous en conflit d'intérêts, plus ou moins. Donc, ces jeux-là, c'est le vrai jeu, celui qui est au-delà de l'échiquier, c'est au niveau des joueurs d'échecs, ceux qui jouent aux échecs. Mais quand on joue aux échecs, tout l'échiquier, c'est tous des pions, même le roi, c'est un pion. Donc, c'est tous des pions. Regardez ce qui est en train de se passer en France. Et là, sont en train de préparer les Français à la guerre. Une guerre qui n'a rien à voir avec la France. C'est une guerre des Américains. Ça va totalement contre les intérêts français. Puis, vous avez, dans le fond, c'est qui mène la France? Est-ce que c'est Emmanuel Macron, Jacques Attali, ou Ursula von der Leyen, ou carrément la CIA, puis le Pentagone? Hein? Hein? C'est pas de la haute trahison, ça? C'est pas de la haute trahison. Moi, ma politique à moi, c'est j'observe, je vois, j'intègre, j'attends. C'est des lois naturelles qui vont faire que ça tombe ou pas, parce que c'est la majorité. C'est l'endormissement de la majorité. C'est par ça qu'il y a un gouvernement. Prenez, dans le temps de la Judée occupée par les Romains, vous aviez différentes sectes, entre autres politiques. Vous aviez, les pharisiens. Les pharisiens, eux, leur mot d'ordre, c'était tant que les Romains nous laissent notre religion, tant que les Romains nous laissent notre langue, notre religion, nos rites, puis nos règles sociales, on collabore. Vous aviez une minorité que c'était les Zélotes. Les Zélotes, eux autres, au fond, c'était des terroristes qui faisaient des attentats contre les Romains. Mais c'était une minorité. Mais paradoxalement, les pharisiens et les Zélotes, au fond, ont renforcé le système romain parce que les Romains pouvaient renforcer les lois, puis ce qui était coercitif, en servant des Zélotes, en disant, ben, il y a des attentats contre nous, donc on va être de plus en plus autoritaire. Donc, tout le monde se tire dans le pied tout le temps. Que ce soit que vous soyez un zélote ou un pharisien, vous collaborez à ça pareil. C'est pour ça qu'à mes yeux, il faut être dans rien, là. Il y a pas, je vois pas d'autre chose. Il y a quelqu'un dernièrement, c'est Fergus, qui avait dit qu'il me verrait comme conseiller politique, mais absolument pas. Je pourrais pas être conseiller politique. Impossible. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il y aurait un conflit d'intérêts. Il y aurait un conflit d'intérêts. Je ne peux pas être conseiller politique. Je ne donnerais pas des bons conseils. Les conseils que je donnerais n'auraient pas le choix d'aboutir à des réformes. Donc, puis ça, bon, ça ne marcherait pas. C'est comme dans le temps, il y a un vieux conte, vieille histoire sur les taoïstes qui racontent ça. Il y avait un nouvel empereur, puis il avait envoyé des fonctionnaires dans des villages, dans des fonds de province, pour faire des recensements, entre autres pour les impôts. Puis à un moment donné, il y a un fonctionnaire de l'empereur qui arrive dans un village. Puis il recense tout le monde, puis leur métier, puis bon. Finalement, il y a une maison sur le bord de la rivière, puis il voit que c'est habité. Puis finalement, il dit, c'est qui vit là? Je ne l'ai pas dans mon recensement. les villageois lui disent, ben lui, c'est un vieux bonhomme, là, c'est un vieux sage, il travaille pas, puis bon, il était déjà vieux quand on était enfant. On sait pas quel âge qu'il a. Mais lui, il travaille pas. Dans le fond, t'as pas à le mettre dans ton recensement, il paiera jamais d'impôts. Au fond, quand on a des problèmes, on va le voir, il nous aide de ses conseils, puis en échange, on le nourrit, puis on lui laisse un terrain pour sa petite maison. Là, le fonctionnaire n'est pas content. Il dit, tout le monde doit être censé. C'est la loi décrétée par l'empereur. Fait que lui, il va cogner à la petite porte, la petite cabane. Finalement, il ouvre la porte, puis il y a un vieux bonhomme qui vit austèrement. Il est assis par terre à boire de l'eau chaude ou je sais pas quoi. Puis il dit, vous, c'est quoi votre nom? Puis il dit, ben, le monde ici, il m'appelle le vieux. Tu vois, mais t'as un nom, c'est quoi ton nom? Faut que je mette un nom officiel. Puis l'autre le regarde, c'est pas important. Qui veut savoir mon nom? Ben, il dit, c'est l'empereur. L'empereur veut savoir ton nom, c'est le recensement, puis il faut que je note tout le monde. Le bonhomme, il le regarde et dit, moi, j'ai rien à faire avec l'empereur. Je le connais pas, il me connaît pas, puis c'est pas de ses affaires. Puis de toute façon, je peux pas payer d'impôts. Je travaille pas. Puis là, le fonctionnaire, il explique, il dit, il reste que je dois vous recenser pareil. Puis il y a eu décret. Puis toute personne qui vit sous le ciel et marche sur la terre doit obéissance à l'empereur. Donc, je veux votre nom, puis je veux votre métier. Puis le bonhomme, il dit, ben moi, j'ai pas de nom à te donner, puis j'en ai pas de métier. Puis là, il dit, ben là, s'il faut, on va intervenir. Dans le sens des mesures coercitives pour vous forcer à vous conformer, à donner un nom, à donner vous êtes né où, puis le bonhomme, il se met à léviter dans le milieu de la cabane, puis il dit au fonctionnaire, il dit, maintenant que je touche plus à terre, puis que je m'élève dans le ciel, est-ce que je suis encore sous l'autorité de l'empereur? Le fonctionnaire prend peur, puis il sort, puis finalement, il ne met pas dans sa liste. C'est une vieille métaphorique sur un vieux conte. Mais c'est juste pour dire que souvent, il y a des gens un petit peu comme moi qui ont été souvent portés à devenir des conseillers politiques. Souvent, c'est des personnages qui restent dans l'ombre. Mais d'une certaine façon, je pourrais pas faire ça. Parce que de tout temps, ça a été comme ça. Puis vous avez, même malgré par rapport aux vieux contes, comme vous avez le roi Arthur, Merlin l'Enchanteur, puis il y a aussi l'histoire, vous avez, bon, Élisabeth Tudor, elle avait John Dee, qui était ça, un de ses conseillers occultes. La Médicis, elle avait Nostradamus. Puis bon, même sur les époques plus récentes, vous avez Heinrich Himmler, lui, c'était Karl Maria Wellegutte, son conseiller occulte. Même Winston Churchill est allé voir à un moment donné Aleister Crowley, puis il a dit, t'as-tu un symbole puissant qu'on pourrait faire collectivement pour contrer certaines forces? Puis Crowley il avait dit, fais ça comme ça, puis il dit que ça veut dire la victoire. Or, c'est tout du même acabit, c'est-à-dire que, au fond, souvent, c'est des espèces de sorciers. Puis je les considère comme aussi sales que les politiciens. Le vrai sage, il fait pas, il conseille pas de politique, il fait rien. Puis je me considère même pas comme un sage, mais je me considère comme assez intelligent pour considérer jamais, jamais, jamais me mettre dans une situation d'être le conseiller occulte d'un politicien. Jamais. Je serais pas capable pour des raisons de principe. Je dois être plus proche du bonhomme qui vit dans sa cabane sur le bord de la rivière que de John Dee. Donc, tout ça pour dire, ben, oui, il y a des conseillers occultes, mais pire que ça, il y a des chefs. Je veux dire, quand un politicien qui existe officiellement, un politicien, un gouvernant officiel, va voir un conseiller occulte, ça va être tout le temps pour être conseillé par rapport à la bonne marche à suivre, par rapport à des ordres qui ont été donnés par en haut. C'est-à-dire que même le conseiller politique, il n'aura pas le choix de prendre ça en considération. Prenez, le vieux RBO. Le groupe RBO au Québec, la plupart ont étudié en communication, puis ont eu Pierre Bourgault comme prof. Vous voyez ce que ça donne? Savez-vous c'est quoi une des principales occupations pour laquelle a été reconnue Chantal Franque? C'est pour écrire des discours politiques. D'après moi, là, le plus intelligent de la gang, c'était Bruno Landry. C'est celui qui a le moins bien réussi sa carrière. Puis ça, à mes yeux, ça vient me confirmer sa valeur. Comme ici en ville, il y en a des millionnaires. J'habite une petite ville où il y a beaucoup de millionnaires. Puis je les considère comme des trous de cul. Ben, je les connais, je veux dire. Pourtant, il y a d'autres gens que personne ne connaît qui font leur affaire dans leur coin, qui n'écœurent pas personne, puis qui sont très dignes, même si c'est humble comme vie. Puis bon, ben eux, je les considère comme du monde qui ont réussi leur vie. Pourtant, au niveau social, c'est le contraire. C'est-à-dire que si on prend du monde comme. Prenez Jean-François Lisée, là, en arrière de lui, bon, il y a René Lévesque, Luther King, puis Général de Gaulle. Bon, Général de Gaulle. Le Général de Gaulle, c'est lui qui avait été choisi par les Américains, puis les Anglais. Puis la minute qu'il a pu suivre vraiment comme il voulait, qu'il a voulu se prendre pour un vrai dirigeant, là, ben, ils ont déclenché mai 68. C'est ça qu'ils ont fait. Vous pensez que c'est quoi, aller du monde comme Cohn-Bendit, puis Finkielkraut, puis tout du monde du Mossad, puis de la CIA, tant qu'à moi, ben lié à ça. Puis quand un gouvernant ne fait pas comme les grands patrons veulent, ben il déclenche des affaires de même. C'est pour ça le général de Gaulle obligé de fuir l'Élysée en hélicoptère, puis bon. Pourquoi? Parce que c'est un faux cul dans le fond, c'est un traître dans le fond. Puis là, c'est comme s'il mordillait la main qu'il nourrissait, qu'il l'avait placée là. Puis les Américains, la CIA, le Mossad, les services anglais, ils ont tout le temps agi de la même façon. Tout le temps. Donc, au fond, ce qu'on subit au Québec, McKinsey a géré la pandémie, puis qu'on se ramasse avec Legault, puis que toutes les partis d'opposition sont rien d'autre que des clowns qui servent de contexte à le faire élire, c'est lié au fait que le Québec a aucune souveraineté. C'est des services étrangers qui ont totalement tout infiltré, qui contrôlent tout. Le Québec, il est géré selon une logique qui fait que plus tard, ben, la ressource, hein, c'est ça qui est visé par les Américains. Ils veulent l'eau, puis ils veulent le minerai. Puis la population québécoise, celle qu'on appelle entre guillemets de souche, est dans le chemin parce qu'elle pense qu'elle a des prérogatives liées à son histoire. Mais au fond, ils vont tout faire pour noyer le Canadien français dans un flot ininterrompu d'immigrants, puis de bon, puis finalement pour qu'il n'y ait plus de cohésion identitaire sociale. Ça fait partie d'un plan de dissolution des populations. Pourquoi? Pour des intérêts géostratégiques, entre autres liés à des choses, des matières premières pour le futur. C'est de longue haleine, ça. C'est pareil, l'Europe va passer au cash. C'est les Américains qui veulent ça. Donc, bon, ben, coudonc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est des processus naturels, tous les empires finissent par tomber. Est-ce que je pense que c'est en collaborant et en fermant nos gueules comme des pharisiens que ça va se régler? Non. Est-ce que je pense que c'est en faisant comme des zélotes puis en justifiant justement des mesures pires par une certaine agressivité? Non plus. Vous savez, qu'est-ce qu'il y avait à part les zélotes, les pharisiens? Il y avait les nazirs. Les nazirs, eux, ils savaient que c'est pas eux autres qui décident. Puis eux, tout ce qu'ils faisaient, c'est se garder un petit peu à part puis essayer de pas se corrompre. Puis ils se mêlaient pas trop de politique. Puis ils savaient que c'était des processus naturels puis que tôt ou tard, un jour, les Romains quitteraient la Judée. Ben, c'est les mêmes forces. C'est les mêmes forces. Pourquoi Napoléon, il y avait l'aigle comme emblème, entre autres, il y avait l'aigle. C'est pas français, là, c'est supposé être le coq ou bon, les abeilles, ok. Mais risque, bon, c'est quoi cet aigle-là? Pourquoi les Américains ont l'aigle comme emblème? Pourquoi les nazis avaient l'aigle comme emblème? Ben, c'est un peu l'esprit des républiques antiques, si vous voulez. Puis tôt ou tard, ça va tomber. Ça va tomber tôt ou tard. Mais risque, c'est pas en donnant du crédit à des clowns que, bon. Qu'on va accélérer ou dans le sens que Éric Duhaime, il n'y a pas aucun député, puis il savait qu'il n'y en aurait pas. Moi, d'après moi, il savait. Il s'est tiré dans le pied. Dominique Anglade, elle savait qu'elle resterait quand même dans l'opposition parce que l'île de Montréal, il y a des anglophones puis des immigrants qui vont voter libéral, même si c'était Ronald McDonald qui était à la tête du Parti libéral, il voterait libéral. Québec solidaire, ben eux autres, ils attendent en quelque sorte leur tour. Ben, je pensais qu'il y en aurait plus, là. Je pensais que ce serait plus le cas. Mais regardez, Québec solidaire, c'est carrément des communistes. C'est les réseaux marxistes des universités. Je veux dire, Amir Kadir, dans des résidences, des espèces de chalets qui appartenaient à ses parents, il faisait des réunions des jeunes là, qui brainwashaient. Puis il y a des photos, ils ont des drapeaux soviétiques, puis des images de Che Guevara. Puis les Québécois, ils voient pas. Ils voient pas, eux autres, qui attendent leur tour. Mais de la même façon que ces mouvements-là ont tout le temps été financés, puis les dissidences ont tout le temps été financées, quelqu'un qui gouverne vraiment, les vrais, vrais gouvernants, ils contrôlent le parti au pouvoir, les oppositions, puis même les dissidences, les petits groupes de dissidents, puis même des fois à leur insu. Parce que ils connaissent la psychologie humaine, ils connaissent la nature profonde de l'être humain. C'est facile de trouver un gouvernant marionnette. Il faut comprendre c'est quoi au niveau d'une personnalité puérile, de quoi ils vont se contenter dans le fond. Être reconnus, puis être vus, ça va leur suffire. Puis juste pour ça, ils sont prêts à faire pendre père et mère presque. Prenez Jean-François Lisée, là il est dans son pays, il est reçu dans des panels d'invités pour ses analyses politiques. Il est revenu journaliste, puis là, il a sa place dans les médias. C'est ça la récompense? Pour avoir crissé le PQ à terre juste comme on voulait que la craque émerge. Est-ce que ça valait la peine? Il n'y a rien que des enfants pour être content de ça. Il n'y a rien que des enfants pour se contenter de ça. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de trahir tout le monde. Voyons donc. Juste ça. Un petit peu de reconnaissance puis de visibilité. Ah, oh, toi, t'es chef de telle affaire. Puis là, après, on se ramasse avec du monde qui n'a pas d'allure. Qui fondent des affaires qui ont des noms comme égalité, réconciliation, que finalement on se ramasse que c'est un Suisse, tout ce qu'il y a de plus blanc puis tout ce qu'il y a de plus helvétique qui est à la tête, que du l'autorité ici c'est moi, blablabla, ça prend un chef. Ok. Mais serait-il possible d'avoir du monde. Qui ont jamais décrit dans des livres qu'elle allait enculer dans des parcs puis des affaires de même. Est-ce que ce serait possible d'avoir du monde normal, Chris? Du monde normal, du monde sain. C'est ça que je veux dire, du monde sain. Qui sont pas sur la drogue, qui passent pas à tête de bout à envoyer leurs photos d'eux autres tout nus à des petites filles. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on est con à ce point-là? On est con à ce point-là? On va voir ça comme des grands idéologues, des grands penseurs. Jean-François Lisée est un grand idéologue, ça. Il n'a même pas compris qu'il détruisait son parti, à moins que c'était ça le but. Regardez, là, Saint-Pierre Plamondon, là. Il y a de la misère, hein. C'est sûr, Chris, il n'y en a plus de PQ. Il me fait rire, lui, il a l'air d'un petit enfant. Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il arrive à une tribune, à un lutron, on dirait tout le temps qu'il va dire « Ben là, cette année, ce que j'aimerais pour Noël, c'est telle chose. Puis cet été, j'ai été en vacances chez mamie. » Puis on dirait tout le temps que c'est un discours de même qu'il va tenir. Quelqu'un de sain, puis quelqu'un de normal, il va pas chercher à être chef de rien. C'est pas... On sélectionne les pires, là. On sélectionne les pires. Finalement, ça donne ce que ça donne. C'est pour ça que moi, ma confiance va dans le processus naturel que les civilisations ils ont une naissance, un développement, puis une fin. Une décadence, puis une année, oups, ça tombe. Puis c'est pas nous autres qui mènent. C'est des forces bien au-delà de nous autres. Fait que là, les Américains sont en train de finaliser leur guerre contre le reste du monde pour un contrôle total. Puis je parle pas les Américains, le peuple américain, je parle ce qu'il y a en arrière. C'est-à-dire certains groupuscules. Très puissant, qui mène le monde, qui mène réellement le monde. Alors là, oh, le gouvernement mondial, ben, réveillez-vous, ça fait des décennies. Pourquoi vous pensez qu'on voit les mêmes politiques appliquées partout en Occident depuis des décennies, sous des noms différents, entre autres? Donc, c'est à faire attention. J'ai pas vu de dissidence sérieuse à date que c'était pas un clown qui était à sa tête. Puis d'une certaine façon, ça correspond à des lois de psychologie de masse. Donc, c'est bien de valeur, là, mais quelqu'un de sain d'esprit puis de normal, souvent, il ne voudra pas d'autorité dans des groupuscules comme ça. Il sera pas corruptible non plus. Fait que finalement, bon, on a affaire à quoi? On a affaire à quoi? Plus ça va aller. Moi, je suis content que Legault soit réélu. Parce que, savez-vous, c'est quoi le seul moyen? Prenez au niveau de la psychologie, souvent comme les mafieux, par exemple, ou des grands criminels, souvent, quand ils prennent de l'assurance, là, ils baissent la garde puis font des erreurs en même temps, qu'une certaine paranoïa qu'ils essayent de compenser, puis, mais c'est tout le temps, ils sont coupés du monde, dans le fond, ils ont de moins en moins de discernement. Donc, François Legault, j'espère que son glorieux régime va s'amplifier encore plus, qu'il va faire de plus en plus de conneries. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen. Si on veut que ces affaires-là tombent, il faut qu'on les subisse collectivement. Je vois pas d'autre façon. Parce que tant qu'on a une majorité de pharisiens et une minorité de zélotes, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Au contraire, c'est instrumentalisé et ça fait partie du contexte. Donc, c'est bien de valeur, mais il va falloir y aller jusqu'au bout du Canada de Trudeau, qui va être un enfer, qui est un enfer déjà, qui est une collaboration avec les régimes chinois. Puis, voyons donc, qu'est-ce que François Legault fait sur TikTok? TikTok, à ce temps, c'est le gouvernement chinois, là, dans le fond, là. C'est de la haute trahison, c'est de la trahison, c'est de l'hostie trahison. Ah, oh, c'est pour rejoindre les jeunes. Hey, tabarnak! Va donc chier, va chier, gros Chris de Lego cave, tu nous prends tellement pour des imbéciles. Je veux dire, regardez là, TikTok, après ça, les jeunes, ils regardent ça, puis ils pognent des tics, puis des tocs. Puis Trudeau est là-dessus, Lego est là-dessus, oh, c'est pour courtiser la jeunesse. Hey, hey, ben voyons donc. Auriez-vous vu ça? Auriez-vous vu ça dans le temps de Jean Lesage? Jean Lesage, il serait allé se promener tout nu, se rouler dans la boîte avec les pieds en disant pour rejoindre les jeunes. Ben non, tu sais, t'essayes de tirer vers le haut, pas vers le... tu te cales pas dans la marde pour... En tout cas, ben dans le fond, moi je vois rien d'autre que des clowns, des idiots utiles, des traîtres. Puis au fond, l'évolutionnaire là-dedans va venir de la souffrance expérimentale de la masse. S'il y a un éveil de masse, ça va venir de ça. Quand tu te ramasses tout attaché ensemble sur un même bateau, à un moment donné, tu t'en rends compte, t'as pas le choix. Donc, oui, on va se faire crisser dans la marde encore plus. Ben oui. Puis c'est là-dessus que je compte. C'est sur ça que je compte. La conscience, ça vient tout le temps d'une souffrance expérimentale. Si on veut se rendre compte à quel point on est dissident de rien pantoute, à quel point on a nos dirigeants, que ce soit des différentes dissidences ou des partis politiques ou... C'est tous des enfants qui obéissent à des lois psychologiques d'enfants. Ça prend pas grand-chose. Il y a du monde, ils ont crissé leur parti politique à terre ou ils ont trahi tous leurs amis puis tous leurs militants juste pour une affaire. Un petit peu d'argent, un petit peu de reconnaissance puis être vu un petit peu. Ben ça, c'est des psychologies d'enfants. C'est des psychologies d'enfants. Prenez... C'est comme Soral. Je veux dire, c'est dur de faire pire. Là. C'est dur de faire pire. Un héroïnomane qui allait dans des orgies de la jet set. Puis, puis juste être dit, bon, ben, on va former, on va faire un affaire pour réattirer, pour y redonner une crédibilité, réattirer au Front National le vote maghrébin puis les jeunes Africains. Ça nous prend un chef, ça t'intéresse-tu? Tu vas être le chef, tu vas avoir l'autorité. C'est sûr qu'il va dire oui tout de suite. C'est évident. C'est l'évidence même. C'est pour ça que, bon, vous pensez réellement que ça leur fait de la peine quand ils sont salis d'un journaux Dan Pilon, puis ben non. Ils veulent être vus. Ils veulent être vus, reconnus, puis faire un petit peu de bise. Faire du buzz pour faire du bise. Parce que quand quelqu'un du Grand Orient de France ou d'une autre structure décide de financer un regroupement, puis tout, ils te fournissent l'argent pour la structure. Le reste, va falloir que toi, tu te payes en faisant du biz avec les dons, entre autres. Hein? Dégueulasse. Dégueulasse. Bon, ben ça va faire. Bonne journée.